إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication du livre de l'unicité. Et donc dans la dernière allocution, on avait fini l'étude du hadith de Abu Musa al-Ash'ari, du célèbre compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala an. Et donc dans ce récit qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Alors il nous a rapporté donc, comme on l'a pu l'apprendre dans la dernière assise, que le prophète, sallam, alors qu'il était avec ses compagnons, et alors qu'ils étaient en voyage, le prophète, sallam, leur a enseigné et leur a rappelé que leur Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'ils adorent, il n'est ni asam, wala ra'ib. Al-Assam, on a dit, c'est le sourd, et le Ra'ib, c'est l'absent. Donc Allah Jalla wa Ala n'était pas absent ni non-entendant. Mais plutôt, le prophète, sallam, il leur enseigna qu'ils invoquent un Seigneur qui est audient, clairvoyant et qui est proche. Et donc on avait expliqué cela dans la dernière assise. Et le prophète, sallam, ensuite, s'est dirigé vers Abu Musa al-Ash'ari, en l'appelant par son nom, en lui disant « Ô toi, Abdallah ibn Qais, ô toi, Abdallah, fils de Qais. » Et là, le prophète, sallam, en s'adressant à lui, il lui a dit que la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » est un trésor parmi les trésors du paradis. Et donc, c'est pour cela qu'on a un autre énoncé dont fait allusion l'imam al-Bukhari lui-même. Il fait allusion à cet énoncé à la fin du récit en disant « Aou qal ala adulluka bihi »« Ala adulluka bihi »« Ne vais-je point t'indiquer un trésor parmi les trésors du paradis » C'est-à-dire lorsqu'il dit « bihi », c'est-à-dire ça sous-entend « un trésor parmi les trésors du paradis »« Ne t'indiquerai-je point » En d'autres termes, vers un trésor parmi les trésors du paradis. On pourrait dire, veux-tu que je t'indique un trésor parmi les trésors du paradis? Et de ce fait, on a appris la fois dernière, à travers l'explication de ce récit, des enseignements riches, et on avait terminé justement avec l'explication de la fin du récit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Abdallah ibn Qais, c'est-à-dire au compagnon Abu Musa al-Ash'ari, en lui disant que la hawla wa la quwwata illa billah, que cette parole hein, qui est célèbre, hein, donc elle fait partie des paroles de dhikr, d'évocation, eh ben c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et donc là, c'est une information qui est très importante du fait que ça nous illustre hein, et dénote vraiment la grandeur de cette parole et l'importance de cette parole qui est « La hawla wa la quwwata illa billah ». Et on se rend compte que cette parole, C'est très important de l'apprendre, cette parole, à ce moment-ci, hein, de l'étude du livre, du fait qu'on se rend compte que beaucoup de musulmans la connaissent, cette parole. C'est une parole vraiment qui est véhiculée. Donc beaucoup de musulmans la prononcent, la profèrent, hein, la disent. Donc beaucoup évoquent Allah Jalla lorsqu'ils font du dhikr. Souvent, on l'entend, La hawla wa la quwwata illa billah. Mais malgré cela, malgré que cette parole elle est vraiment véhiculée, et alhamdoulilah, les musulmans, de manière générale, en ont la connaissance, on voit que ce qu'il manque, c'est la compréhension de cette parole. On voit que beaucoup qui la disent, beaucoup qui la prononcent, cette parole, La hawla wa la quwwata illa billah, ne connaissent pas réellement le sens de cette parole. C'est pour cela qu'il est primordial pour le musulman, lorsqu'il dit quelque chose parmi les évocations, parmi le dhikr, ou bien les invocations, il est bon, hein, il est important de comprendre le sens de ce qu'on dit. C'est pour cela, celui qui voudrait comprendre le sens de cette parole, et bien le fait de revenir aux différentes explications qui ont été données par les grands savants de l'islam depuis des siècles de cela, et ainsi aussi par les savants contemporains qui ont expliqué cette parole. Pourquoi l'ont-ils expliqué? Naturellement, parce que cette parole est un trésor parmi les trésors du paradis. Donc il fallait, hein, que les savants se penchent, hein, justement sur la compréhension de cette parole, parce qu'elle fait partie des grandes paroles de dhikr, des grandes évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, celui qui dit « La hawla wa la quwwata illa billah », donc là, il obtient un grand bien, une grande récompense. Et il y a vraiment un bien énorme dans le fait de multiplier cette parole, dans le fait de dire « La hawla wa la quwwata illa billah ». Sauf que il faut comprendre cette parole. Et mieux on comprendra cette parole, plus cette parole sera utile. Et là, on va tirer vraiment les bénéfices de cette parole. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit précédemment, hein, c'est toujours un rappel, il hein, faut toujours se faire le rappel, beaucoup de gens qui la prononcent, qui la disent, ne tirent pas réellement les bénéfices de cette parole, dans le fait hein, qu'ils ignorent réellement le sens de cette parole. Et donc c'est très important. C'est pour ça, rappelez-vous, dans des allocutions précédentes, lorsqu'on avait parlé, par exemple, on avait expliqué le sens du at-tashahhud. At-tashahhud. Le tashahhud, vous avez vu, ce qu'on dit lorsqu'on est dans la première assise, dans la prière. Lorsque, par exemple, on a dit c'est une prière en quatre unités, dans la deuxième unité de prière, lorsqu'on s'assoit et ensuite on fait al-ishara avec notre doigt. On lève notre doigt et donc on va répéter une formule. Cette formule-là, on a dit qu'elle s'appelait, c'est la formule hein, qui est célèbre de At-Tashahhud. Donc on avait étudié l'essence du At-Tashahhud. Vous avez vu, après l'étude d'essence du Tashahhud, de cette formule, des différents termes qui sont mentionnés et donc de ce qu'elle renferme comme enseignement, on voit que celui ensuite qui va la prononcer et la formuler, il n'est pas comme celui qui ignore l'essence. Vous avez vu aussi par rapport à l'invocation qu'on a appris il n'y a pas si longtemps de cela, cette invocation que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se réveillait la nuit pour prier. Vous avez vu cette immense invocation. Donc on avait essayé de comprendre l'essence à travers l'étude du commentaire du grand savant Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa grande miséricorde. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il est important de revenir au sens, d'essayer de comprendre l'essence de ce qu'on profère et prononce comme invocation ou bien comme dhikr. En l'occurrence, la hawla wa la quwwata illa billah, on avait pris hier dans le commentaire de Cheikh Ibn Uthaymeen qui nous disait que le sens de la hawl, pourquoi le sens là, il est important de l'expliquer? Parce que si on traduit d'une manière littérale, c'est pour ça que je ne l'ai pas traduit. Hier, volontairement, vous avez vu que je ne l'ai pas traduite en français, mais on l'a plutôt expliqué. Parce que ce qui est important, c'est de l'expliquer et de la comprendre. Et ensuite, si on l'a compris donc en arabe, c'est ça qui est important. La traduction, ça va en quelque sorte nous donner une idée de ce que sous-entend un peu la parole, mais ça reste relatif. C'est vraiment quelque chose de relatif. Par contre, en apprenant l'explication, en comprenant l'explication des termes, là, on peut mieux comprendre vraiment la réelle portée de la formule et ce qu'elle sous-entend véritablement. Pour cette raison, j'ai préféré ne pas la traduire directement et de rester sur sa prononciation en arabe. Et d'ailleurs, la majorité des musulmans la connaissent en arabe, hein. La majorité, walillahil hamd, savent la prononcer. Elle est très simple à prononcer, donc il est aisé pour n'importe qui de la prononcer. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, le fait de la prononcer en arabe, ce qui est important ensuite, après, c'est de comprendre l'essence des termes. Sinon, la simple traduction, ça reste, comme on a dit précédemment, relatif. Mais sinon, si on veut la traduire, hein, elle est souvent traduite par, souvent on entend, nulle force, nulle puissance, si ce n'est en Allah. Point de force, point de puissance, si ce n'est en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est beaucoup traduit de cette manière. Mais vous avez vu, ça reste relatif. Surtout après qu'on ait compris un peu le sens de cette parole, on voit bien que la traduction, ça reste rapproché, mais ça dénote pas vraiment tous les sens que renferme cette parole-là. Et là, on peut comprendre que malgré la facilité et la légèreté de prononciation, c'est-à-dire malgré la facilité pour prononcer cette parole, malgré qu'il ait essayé de la prononcer, et de la dire, mais on voit que la récompense est grande, les utilités et les bénéfices de cette parole sont énormes. Donc malgré qu'il est facile de la prononcer, mais ses bénéfices et son utilité, ce qu'elle peut être cause, pourquoi? Parce qu'en prononçant cette parole, Allah Jalla wa Ala, ensuite, vient en aide de son serviteur. Donc on voit quelle est la cause d'une aide, de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc de quelque chose qui est énorme, énorme. Donc ses profits sont inestimables. Et Allah, Jalla wa ala, est dans l'aide de son serviteur. Donc lorsque son serviteur recherche l'aide auprès de son Seigneur, auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque le serviteur implore l'aide, hein, lorsqu'il est vraiment dans la demande de l'aide de son Seigneur, alors Allah, Jalla wa ala, va être dans l'aide de son serviteur et il va l'aider. C'est pour ça qu'on a dit que, on dit cela parce que on a dit précédemment que cette parole, dans cette parole, il y a une demande d'aide. Il y a, ça sous-entend, hein, une demande d'aide, une imploration de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'istihana. Pour cela, on voit, malgré la légèreté, malgré la facilité pour prononcer cette parole, on voit que ce qu'il y a derrière est immense. C'est pour cela, le dhikr, l'évocation d'Allah, c'est un bien inestimable. Pourquoi? Parce qu'avec des paroles simples, légères, hein, sur la langue, simples à prononcer, eh ben, derrière, il y a des biens qui sont inestimables. Regardez par exemple, ça nous réfère et ça nous rappelle un autre hadith, hein, pour une autre évocation, lorsque le prophète enseigne, il dit Kalimatan, Kalimatan, deux paroles. Khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Regardez dans le récit, lorsque le prophète sallam, il fait allusion à deux paroles qui sont légères. Il dit légères sur la langue, mais lourdes sur la balance. Subhanallahi wa bihamdi, le fait de dire subhanallahi wa bihamdi, gloire à Allah et louange à lui. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim, gloire à Allah. Al-Azim. Vous avez vu, le fait juste de dire cela, et d'ailleurs l'imam lui-même, l'imam Al-Bukhari, a conclu justement, a conclu le chapitre du Tawhid, ce chapitre-là, ou plutôt le livre du Tawhid, il a conclu son authentique avec ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le dernier hadith qu'a rapporté et qu'a recensé un ou bien qu'a mis l'imam al-Bukhari dans son authentique, c'est-à-dire dans tout son authentique, le dernier hadith par lequel il a conclu son authentique, c'est ce hadith-là qu'on vient de citer précédemment. Et donc, on voit que si vous vérifiez, vous ouvrez l'authentique de l'imam al-Bukhari, On a dit, hein, l'imam al-Bukhari a rapporté, a compilé plus de 7000 hadiths dans son authentique. Sinon, il en avait compilé plus. L'imam al-Bukhari avait répertorié et recueilli plus de hadiths. C'est des milliers et des milliers de hadiths. Sauf que l'imam al-Bukhari, pour son authentique, il en a choisi. Il en a choisi un peu plus de 7000 qu'il a mis dans son authentique, dans son œuvre. Et le dernier des hadiths qu'il a mis dans son authentique, c'est celui-ci. Et c'est pour ça qu'il le mentionne, même avec la chaîne de transmission, il va dire à la fin de son authentique, quelque sorte, il va le conclure. Il va conclure son authentique et cette compilation de récits qui sont vraiment authentiques. Il finit son œuvre avec la mention de ce hadith. Regardez, le dernier hadith, il dit Haddathani Ahmed ibn Ishkab, Haddathani Muhammad ibn Fudayl, An Umar ibn al-Qa'qa', An Abi Zura, An Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala an, qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani habibatan ila ar-Rahman, khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Et vous avez vu donc ce dernier récit par lequel il a conclu, il a achevé son œuvre, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux paroles qui sont légères, il a ar-Rahman, hein, qui sont légères mais qui sont aimées du miséricordieux. Donc deux paroles légères, kalimatan, habibatan, il a ar-Rahman. Donc le prophète nous enseigne deux paroles aimées par le miséricordieux, par Allah, qui sont légères pour la langue, sur la langue, mais qui seront lourdes sur la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Donc d'une manière générale, ça aussi, ça prouve vraiment que le dhikr, que l'évocation d'Allah, le fait de faire du dhikr, c'est vraiment un grand bien. C'est vraiment un grand bien parce qu'avec des paroles qui sont légères, des paroles qui sont simples à dire et simples à prononcer, eh ben on peut se rapprocher d'Allah. Et derrière cela, il y a une utilité qui est vraiment inestimable. Comme par exemple celui qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Par exemple, le prophète, dans un récit, dit La meilleure des paroles qui est dite, qui est prononcée les prophètes, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça fait partie des meilleures paroles qu'ont prononcées les prophètes. Et il y a vraiment une grande récompense. Et de nombreuses hasanat à obtenir en disant cette invocation. Donc il y a de nombreuses invocations qui sont vraiment immenses, comme on l'a cité précédemment. Et observez bien, l'imam al-Bukhari, son authentique, il le conclut avec ce récit, ce n'est pas en vain. Ceux qui connaissent et qui lisent, hein, par exemple l'authentique de l'imam al-Bukhari avec les commentaires qui ont été faits par de grands savants qui sont venus dans les siècles qui ont succédé, on voit que l'imam al-Bukhari est une grande personnalité. On avait parlé dans sa biographie, c'était quelqu'un qui était doté d'une grande mémoire, mais d'une intelligence aussi exceptionnelle. Il était doté, Allah lui a donné une intelligence qui était vraiment exceptionnelle, avec une force de mémoriser, hein, de mémorisation, avec une mémoire aussi qui était hors du commun. Et de ce fait, lorsqu'on connaît un peu le personnage, la personnalité de l'auteur, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, on voit que ce n'est pas en vain qu'il a conclu, hein, son livre. Imaginez cette œuvre dont il a mis 16 ans. Il a mis 16 ans pour rédiger l'authentique, ce livre. Imaginez-vous que plus tard, les savants de la communauté vont dire que le livre le plus authentique après le Coran, c'est l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc imaginez-vous la place de ce livre, l'authentique Jami' al-Sahih de l'imam al-Bukhari, ce livre-là. Imaginez-vous la place qu'il a. Et donc imaginez-vous ce temps, ce travail, ces voyages, c'est toute une vie de voyage, du temps passé. Il a mis tous ses biens dans la recherche du hadith, des traditions du prophète, pour essayer de distinguer en ce qui était entre les récits qui étaient véritablement vrais et authentiques, et des récits attribués au prophète, qui étaient mensongers et qui étaient inventés, ou bien qui étaient faibles. Donc regardez, c'est un travail, un long travail, avec de la fatigue, avec de l'endurance, il fallait de la patience. Il a, comme on a dit, l'imam al-Bukhari vraiment a mis toute sa vie. Sa vie, il l'a donnée pour la recherche des hadiths et des récits. Donc, le domaine de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a mis 16 ans, juste pour l'authentique, il a mis 16 ans pour le faire. Donc, imaginez-vous bien, vous pourrez comprendre bien que le premier hadith qu'il va mentionner, ainsi que tous les hadiths qu'il va mentionner, ont pour lui une importance. Et surtout, ce hadith par lequel il va conclure son authentique, c'est qu'il y a une importance et c'est qu'il y a un but. Et c'est pour ça, revenez dans différentes explications, vous pourrez trouver que certains savants ont évoqué la raison pour laquelle Imam al-Bukhari aurait conclu son authentique avec ce hadith. Dans tous les cas, pour résumer, on voit que ce hadith fait allusion au jugement, puisqu'il est dit deux paroles qui sont aimées auprès du miséricordieux et qui sont légères sur la langue et qui seront lourdes sur la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. On voit lourdes sur la balance. Donc ça fait allusion à la balance, c'est-à-dire le jugement. Et le jugement, c'est la finalité. C'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, c'est la vie, comme le disent les savants, ils résument cette vie d'ici-bas à la vie de l'action et de l'œuvre. C'est la demeure où l'individu peut œuvrer et mettre en pratique, et donc faire les bonnes actions. Et l'au-delà, c'est la demeure de la rétribution et du jugement. Donc on voit que c'est la finalité. Et c'est comme si ici l'imam al-Bukhari fait allusion à la finalité, à la fin. Et donc, toutes les œuvres, il y a une fin à tout, et il y a une finalité, et que la destinée de chacun sera le jugement. Donc, tout le monde sera jugé, et donc on voit dans ce récit, il y a une allusion au jugement dernier qui est la finalité en quelque sorte. Donc, on va revenir à l'explication de notre récit. Et donc, nous, on était sur le rappel, l'importance du dhikr, de l'évocation d'Allah. En l'occurrence, on a fait allusion à la parole La ilaha illallah, qui est une immense parole, à la parole Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, qui fait partie du dhikr aussi. Et on a cette parole La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, on a dit, si on la traduit, on pourrait la traduire, c'est souvent traduit par Il n'y a nulle force ni de puissance, si ce n'est par Allah ou en Allah, mais le sens, ça c'est une traduction qui est vraiment relative, comme on a dit, mais le réel sens, comme on a dit, c'est ce qui a été expliqué par de nombreux savants. Une majorité de savants considèrent que Al-Hawl, puisqu'on a deux termes qu'il faut comprendre dans cette parole, c'est Al-Hawl ou Al-Quwwa. On a dit qu'Al-Hawl c'est dans le sens At-Tahawul min Hal ila Hal. At-Tahawul min Hal ila Hal. Donc c'est le fait qu'une situation, c'est la transformation, le changement d'un état, d'une situation vers un autre état, vers une autre situation. C'est pour cela que al-hawl, il n'y a pas de hawl, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, et ni de quwwa, ni de force, si ce n'est par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme cela qu'il faut comprendre cette parole. Et c'est pour cela que si vous regardez, les savants depuis les premiers siècles de l'islam se sont efforcés de l'expliquer. C'est pour ça que on retrouve dans des livres où les savants se sont étalés sur l'explication. Certains ont dit la hawla wa la quwwata illa billah, ça serait dans le sens il n'y a pas de préservation ni de force si ce n'est par Allah. Donc certains l'expliquaient de cette manière. Il n'y a pas de préservation ni de force si ce n'est par Allah. Aussi, on retrouve parmi les explications données par les savants que cette parole veut dire il n'y a pas de préservation contre la désobéissance, ni de force pour l'obéissance, si ce n'est par la volonté d'Allah. Si ce n'est par la volonté d'Allah. Donc regardez, certains savants ont expliqué hein, cette parole d'une manière explicite en disant il n'y a pas de préservation contre la désobéissance, ni de force pour l'obéissance. Si ce n'est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils ont dit que lorsque la personne voit qu'il a été préservé de certains péchés, il a été préservé de désobéissance, de péché et de faute, alors qu'il sache que cela est une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il se voit avoir de la force dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir les actes de dévotion, alors qu'il sache que cela est une grâce parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu pourquoi? Parce que ils l'ont expliqué cette parole en disant il n'y a pas de préservation contre la désobéissance, ni de force pour l'obéissance, si ce n'est par la volonté d'Allah. Donc ils ont considéré, par rapport à l'explication de cette parole, ensuite ils expliquent que donc lorsque la personne se voit épargnée et à l'abri des péchés, de commettre des péchés défendus, et ils ont la force pour obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, cela est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que ça fait partie des grâces d'Allah. De ce fait, ça exhorte à implorer justement Allah Jalla wa'ala et à l'évoquer. À l'évoquer par cette invocation en disant La hawla wa la quwwata illa billah. En quelque sorte, ça sera comme si on dit il n'y a pas de protection contre les péchés ni de force pour l'accomplissement des obéissances, si ce n'est par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certains savants l'ont expliqué comme cela. Comme c'est rapporté, par exemple, il y a un athar qui est rapporté du célèbre compagnon Abdallah ibn Mas'ud, qui est rapporté ou qu'il avait expliqué justement la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Pour vraiment comprendre les termes hein, en profondeur, certains savants ils ont dit al hawl et l'ont expliqué comme étant al haraka c'est le mouvement, al haraka comme étant un mouvement. C'est comme si ils disaient il n'y a point de mouvement et ni de force, c'est-à-dire il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de mouvement ni de force si ce n'est par Allah. Subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont dit que al-hawl c'est al-haraka. C'est pour ça qu'ensuite on voit une grande majorité de savants, et en l'occurrence, c'est ce qui a été expliqué par le grand savant de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, c'est expliqué aussi par l'imam Ibn Qayyim, son célèbre grand élève, son célèbre élève Ibn Qayyim, rahimahullah, qui expliquait donc que le marna de al-hawl, ça serait la hawl, yani la tahawula, la tahawula. Donc il n'y a pas de transformation ni de changement d'un état vers un autre, ni de force si ce n'est par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs ensuite cette explication que va expliciter et détailler Cheikh Ibn Al-Athaymin dans son commentaire. C'est pour cela qu'il a dit marna al-hawl. Donc pour résumer maintenant, pour résumer, une grande partie de savants, une grande majorité de savants, donc ont expliqué, comme on l'avait dit dans la dernière allocution, on a juste rapporté un peu plus de détails aujourd'hui, que marna al-hawl, c'est at-tahawul, la tahawula min hal ila hal, du fait qu'ils considèrent que al-hawl, c'est at-tahawul. Donc dans cette considération-là, lorsqu'on a dit point de changement, point de transformation d'un état vers un autre et point de force, si ce n'est par Allah, subhanahu wa ta'ala, on comprend qu'il n'y a rien, il n'y a pas de changement, ni de transformation, que ce soit dans le monde supérieur ou inférieur, dans cet univers-là, si ce n'est par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura aucun changement, ni transformation dans cet univers, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune force, si ce n'est par Allah ou en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la hawla wa la quwwa. Vous avez vu, il y a deux termes. La hawla. C'est pour ça qu'on explique bien le terme hawl en arabe, wa quwwa, puisqu'on a ces deux termes. Le la ici, c'est la négation, c'est la particule de négation. Donc, la. C'est la particule de négation. Ensuite, on a haoul. Haoul. Voilà. On a encore le la. Kouwa. Pourquoi on a le wa? Parce qu'il y a une coordination ici. Voilà. Kouwa. Kouwa. La haoula. Voilà. Kouwata. Illa billah. Donc, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de changement, par exemple, pas de transformation. On a dit aucun changement dans cet univers, ni de transformation, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, regardez, une personne qui se trouve dans un état de faiblesse, Une personne, par exemple, qui se trouve dans un état de faiblesse. Alors, son état ne pourra changer, son état ne pourra se transformer en force que par Allah subhanahu wa ta'ala, que si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne, par exemple, qui subit la faiblesse, il ne pourra sortir de cet état de faiblesse vers la force si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, une personne qui est égarée, il ne pourra connaître un changement de situation, c'est-à-dire vers la guidée, sa situation ne pourra changer et se transformer vers la guidée, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le veut, subhanahu wa ta'ala. Donc si on a compris cela, que cette parole veut dire qu'il n'est pas, possible de passer d'un état vers un autre, et personne n'en a le pouvoir et la force et la capacité, si ce n'est Allah. Donc on comprend qu'il n'est pas possible de passer de la faiblesse à la force, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas possible de passer de la détresse vers la sécurité, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas possible de passer de l'épreuve à l'accalmie, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas possible de passer de la difficulté à la facilité, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas possible de passer de l'égarement à la guidée, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas possible de passer de l'échec à la réussite, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas possible, par exemple, de passer de la maladie à la guérison. Personne n'en a le pouvoir si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, de là on se rend compte que si on a compris le réel sens de cette parole, pour cela tout à l'heure je vous ai dit que la traduction littérale ne va pas vraiment dénoter tout ce que sous-entend cette parole et le bénéfice de cette parole, l'utilité qu'elle va apporter aux croyants. Le fait que la personne prononce cela avec une ferme conviction, qu'Allah est celui qui peut changer et transformer une situation vers une autre, et c'est lui qui en a la force, subhanahu wa ta'ala, alors il se verra et il constatera qu'Allah, jalla wa ala, changera sa situation, bi'idhnillah. Donc la personne vraiment qui dit « La hawla wa la quwwata illa billah » en toute connaissance de cause, hein, en connaissant réellement le sens, eh ben, il verra sa situation changer si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc si Allah le veut, la situation d'une personne qui est en détresse, elle peut changer. C'est pour ça que la personne qui est en détresse, eh ben, il peut voir cette détresse se transformer en accalmie. La personne par exemple qui est dans le désarroi, qui est en dépression par exemple, qui est dans des soucis, qui est dans des problèmes, il peut voir cette situation, cet état de dépression, cette situation d'épreuve, lorsqu'il est dans le malheur et l'adversité, il peut voir cette situation se transformer et changer vers une situation de bien, où l'épreuve se dissipe, où la détresse se dissipe, où la dépression, le désarroi se dissipe, vers quelque chose de meilleur. Et donc vous avez vu là, c'est pour mieux qu'on puisse comprendre le sens de At-tahawul. Ensuite, hier, on avait fait un point sur la parole qu'on appelle l'istirja. Là, lorsqu'on a une perte d'un être cher, lorsque, par exemple, une personne a été touchée par un décès, donc une personne qui lui est chère décède, alors il y a une autre parole aussi qu'il faut dire. Une parole, vous avez vu, des paroles simples, mais c'est comme ça qu'on revient vers Allah. Donc, on a la parole qu'on appelle la parole de retour. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, on ne va pas revenir sur ça, puisqu'hier, on avait fait allusion à cette parole et on avait mentionné les bienfaits de en quelque sorte, hein, le moment qu'il faut dire cette parole et le bienfait de cette parole. Mais juste pour dire, donc, à ce moment-là, on dit cela. Dans la dernière assise, lorsqu'on a dit qu'à ce moment-là, il est préférable de dire cela, c'est-à-dire qu'il est préférable, Sinon, il n'y a pas d'interdiction, par exemple, lorsque la personne est affligée, il est chagriné, il est touché par une sorte de malheur, il peut dire la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas d'interdiction. Et bien au contraire, Cheikh disait que selon un aspect, si on considère que cette parole, à travers cette parole, il y a une demande d'aide auprès d'Allah, donc on peut dire la hawla wa la quwwata illa billah. Sauf que l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, nous expliquait le meilleur, ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire le fait de dire, lorsqu'on est, on est accablé, on est touché par un malheur, le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, certes nous appartenons à Allah et c'est vers lui dont nous retournerons. Le fait de dire cette parole, il est meilleur de dire celle-ci lorsqu'on, par exemple, on a une perte, il y a eu un décès dans notre famille ou chez un proche. Pourquoi? Parce que c'est ce qui était mentionné dans les textes. Donc warada fi le kitab mathalan, et c'est cette parole qu'on appelle la parole de retour, kalimat al-istirja. Sinon, lorsqu'on est touché par malheur aussi, il n'est pas interdit de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dhikr, chaque évocation d'Allah, elle a ses circonstances et son contexte. C'est pour ça qu'il y a des évocations, vous avez vu, hein, et des invocations qui sont propices selon les circonstances. À présent, on peut vraiment réaliser qu'on a en notre possession un réel trésor. Donc avec ces précisions-là, on se rend compte réellement que le musulman, il a à sa portée un réel trésor. C'est pour ça le fait de pouvoir prononcer cette formule, c'est vraiment un trésor, comme le prophète Hassan l'a dit dans le récit, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et beaucoup de gens, beaucoup de musulmans malheureusement, parfois on oublie, parfois ça nous échappe, et parfois on oublie qu'on a des trésors qui sont à notre portée, qui sont très faciles à prononcer, comme ces invocations, ces évocations aussi, ces dhikr qui sont faciles à prononcer. Il n'y a pas de difficulté à les dire. Et ce sont des trésors qu'Allah Jalla wa Ala a mis à notre disposition de pouvoir dire de telles paroles. Donc on va passer ensuite au hadith suivant. On a vu que dans le hadith suivant ensuite, l'imam al-Bukhari mentionne le hadith d'Abdallah ibn Amr. Selon le fait que Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, le célèbre compagnon, alors un jour il rapporte que le prophète sallam lui a enseigné une invocation, lui a enseigné un dua, une invocation, en lui disant que cette invocation, c'est-à-dire que Abu Bakr, il est rapporté dans le récit, il a demandé plutôt au prophète sallam de lui enseigner un dua qu'il pourrait dire dans sa prière. Donc à partir de ce dua, il pourrait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prière. Et là, le prophète sallam lui a enseigné le dua Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfir adh-dhunuba illa ant. Le prophète lui a enseigné de dire faghfir li min 'indik maghfiratan innaka antal ghafur ar-rahim. Et là, le prophète lui a enseigné de dire ô Seigneur, j'ai certes été injuste envers moi-même, d'une grande injustice, et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi d'un pardon venant de toi, car tu es certes le grand pardonneur, le clément. Dans une traduction relative du récit et de l'invocation. Donc, dans l'explication, donc c'est un hadith aussi qui est immense, du fait que le prophète Hassan va enseigner une invocation à son célèbre compagnon. Et comme il nous a dit dans un récit, que le prophète sallam a dit un jour لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. Le prophète a dit, si je devais prendre quelqu'un comme ami intime, considérer quelqu'un et prendre quelqu'un comme ami intime dans ma communauté, alors j'aurais pris Abu Bakr comme Khalil, comme ami intime. Donc le Abu Bakr, c'était une personne qui était aimée du prophète sallam. Donc le prophète sallam appréciait énormément et aimer son compagnon de route, Abu Bakr, radiallahu ta'ala, anhu. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui enseigner un dua, une invocation. Et on voit dans ce récit, il nous est dit, hein, que c'est Abu Bakr qui a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui enseigner un dua. Fasala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa afsah al-khalq lil-khalq. Et lorsque Abu Bakr, il interroge le prophète, à savoir que le prophète était donc le plus connaisseur en la matière, puisque c'était le messager d'Allah, et c'est celui qui est ansah, c'est le plus grand conseiller pour les autres. النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما بأبي بكر الذي هو أحب الناس إلي أن يعلمه دعاء يدعو به في أشرف عبادة يتعبد الإنسان بها في صلاته. Ensuite, ce qu'il faut considérer, c'est que le prophète, qui est le meilleur des conseillers, il va enseigner, il va conseiller Abu Bakr. Et donc là, il ne va pas conseiller n'importe qui, il va conseiller celui qui était un proche, celui que le prophète sallam aimait. Donc le prophète sallam, cette invocation qu'il va lui enseigner, c'est une invocation par laquelle Abu Bakr ensuite pouvait invoquer Allah Jalla wa Ala dans sa prière. Comme il dit, « An yu'allimahu du'a an yad'u bihi fi ashrafi ibadatin yata'abbad al-insanu biha ila rabbihi wa hiya salam. » Vous avez vu cette invocation aussi? Ce n'est pas n'importe quel moment qu'on l'a dit, c'est pendant la prière. Donc l'auteur du commentaire va résumer. Écoutez bien ce résumé en une phrase, regardez ce qu'il va dire. Pour qu'on puisse réaliser l'importance de cette invocation qu'on va apprendre dans ce récit. « فَهَذَا الدُّعَا يَتَبَيَّنُ لَكَ عِظَامُ فَهَذَا الدُّعَا يَتَبَيَّنُ لَكَ عِظَامُ أَنَّهُ سُؤَالٌ مِنْ أَبِي بَكْرَ أنه سؤال من أبي بكر وبتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أشرف الأعمال وهي الصلاة إذن فهو دعاء عظيم. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen en une seule phrase, il va nous faire comprendre et reconnaître l'importance de cette invocation en disant premièrement, l'interrogation, c'est-à-dire la question, elle vient de Abu Bakr. On a dit c'est Abu Bakr qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une invocation. Donc premièrement, la question vient de Abu Bakr radiallahu anhu, c'est-à-dire le meilleur de cette communauté. Regardez donc cette question qui est posée, elle est posée par le meilleur de la nation, le meilleur des compagnons, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Wa bi tawjihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et bi tawjihi, et l'orientation venait du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De plus, dans la meilleure des adorations, dans la meilleure des actions, c'est-à-dire la prière. Et then, on conclut quoi? Celui qui a questionné, c'est cet homme qui était bien aimé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, donc ce n'est pas n'importe qui. Celui qui va orienter, qui va enseigner, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On a une information que c'est dans une œuvre pendant la prière. Donc ce n'est pas n'importe quelle œuvre, elle fait partie des plus grandes adorations. C'est le deuxième pilier de l'islam. Donc, fil salati. Maintenant, cette invocation, c'est le fait de dire, ô Seigneur, j'étais injuste envers moi-même d'une grande injustice. J'étais injuste envers moi-même d'une injustice qui est kathira. D'une grande injustice, de nombreuses injustices si vous voulez, d'une injustice qui est kathira. Donc c'est des injustices qui sont nombreuses. Donc j'étais injuste envers moi-même, on a traduit par une grande injustice, mais c'est plus dans le terme de la quantité ici, de nombreuses injustices, pour être plus clair et plus précis. Et le seul qui pardonne ses fautes, ses péchés, c'est toi Allah. Vous avez vu, pour demander le pardon de ses fautes, ça c'est une grande invocation. Le fait, lorsqu'on veut demander pardon, on dit « Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira ». Au Seigneur, j'étais injuste envers moi-même. Donc, on se rend compte et on avoue nos injustices, ces nombreuses injustices, puisqu'il est dit « kathira ». Il est dit « kathira ». Donc, on reconnaît ces nombreuses injustices. À savoir, vous savez que l'injustice, les savants mentionnent et évoquent souvent trois catégories d'injustice. La plus grande des injustices, c'est l'injustice envers Allah, subhanahu wa ta'ala, en commettant une forme de polythéisme. Donc le polythéisme et toute forme d'association, c'est l'injustice. C'est al-zulm al-a'zam, c'est la plus grande des injustices. La deuxième injustice que mentionnent les savants, c'est l'injustice envers soi-même. Lorsqu'on est injuste envers nous-mêmes. Comment est-ce qu'on est injuste envers soi-même? En désobéissant à Allah, en pratiquant les péchés. Donc lorsqu'on commet ces péchés-là, en commettant les péchés, eh ben, en réalité, on est injuste envers nous-mêmes. Donc, lorsqu'on commet beaucoup de péchés, on a été très injuste envers soi-même. C'est ça le sens, le fait d'être injuste envers soi-même. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit maintes fois dans d'autres allocutions, la personne, lorsqu'il est égaré, c'est à son détriment. Et lorsqu'il commet des fautes, c'est à son détriment. Et lorsqu'il désobéit à Allah, c'est à son détriment. C'est contre lui-même. Ça va pas dans le sens de ses intérêts. Donc, c'est pas pour son intérêt. Donc, lorsqu'il est égaré, c'est contre lui. C'est à son détriment. Ça ne va pas dans son intérêt. Et à l'inverse, on avait dit, lorsque la personne, il est guidé, « Mashallah, faman ihtada, fa innama yahtadi li nafsi. » Faman ihtada, celui qui est dans la guidée, celui qui est droit, il a certes été droit pour lui-même. Donc ça va dans son intérêt. C'est comme cela qu'il peut être agréé par Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre la satisfaction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que la personne, lorsqu'il commet des fautes et des péchés, c'est contre lui-même, en réalité. Il se fait du mal à lui-même. Et pour cela, il est injuste envers lui-même. Et ça, il faut souvent se le rappeler. Troisième catégorie d'injustice que citent les savants, ça c'est l'injustice qui est célèbre, hein. Même lorsque le terme injustice, on l'entend, alors on pense tout de suite à cette catégorie, cette forme d'injustice, qui est le fait d'être injuste envers les autres. Donc c'est l'injustice envers autrui, si vous voulez. L'injustice envers autrui. Donc là, dans ce récit, on voit bien, lorsque dans le récit, le prophète enseigne à Abu Bakr, « Allahumma inni zalamtu nafsi »« Au Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. » On a compris que, donc à ce moment-là, c'est ces péchés qu'on a commis, les fautes qu'on a commises. Pourquoi ? En réalité, on comprend bien, c'est une injustice envers soi-même. Et ce qui dénote bien cela, ce qui prouve cela, c'est qu'ensuite, le prophète enseigne dit, lorsqu'on dit « Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira »« Au Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même hein, » par de nombreuses sortes d'injustices. « Wa la yaghfiru dhunub illa ant » Ensuite, le prophète enseigne à Abu Bakr de dire « Et le seul qui pardonne les péchés » Donc vous avez vu, ensuite le prophète mentionne « Les péchés, c'est toi, oh Allah » Donc alors qu'on dit « Au Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même » et celui qui pardonne les péchés. Donc on comprend bien que cette injustice, elle prouve bien que ce sont les formes de péché et de désobéissance qu'on a commis. Et donc cette invocation, elle est grande. Et ce qui dénote vraiment sa grandeur, c'est ce qu'on a mentionné précédemment pour bien comprendre, c'est le prophète qui l'enseigne. Il enseigne à son compagnon bien-aimé Abu Bakr, et pas n'importe qui, et pas dans n'importe quelle action et œuvre, c'est la prière. Et de ce fait, on se rend compte dans le récit, ensuite, l'auteur du commentaire nous dit, « Lakin fi salati » dans la prière. C'est-à-dire que lorsque Ibrahim, vous avez compris, pardon, lorsque Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, interrogea le prophète, donc il lui demande une invocation qu'il pourrait dire dans la prière. C'est pour cela qu'on déduit bien que cette invocation, elle est dans la prière, par exemple, parce que Abu Bakr demande au prophète, de lui enseigner une invocation qu'il pourrait dire dans sa prière. Sauf que, Cheikh Al-Athmin va nous dire ici lam yubayyin mawdi'ahu min as-salah fa yahtamil an yakuna fi as-sujud li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a wa yahtamil an yakuna ba'd at-tashahhud al-akhir li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma dhakara at-tashahhud thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu wa la'alla hadha awla an yakuna ba'd at-tashahhud al-akhir يعني عند السلام عند السلام لأن التشهد الأخير فيه ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ففي التشهد الأخير فيه ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مشروع بالتعيين فإننا مأمورون في التشهد الأخير بالتحيات لله والشهادة له بالوحدانية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبريك على رسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون مقدمة الدعاء مأمورا بها فيكون أولى ما يذكر هذا الدعاء عند السلام وبعد التشهد الأخير وفي هذا الدعاء جامع لجميع أنواع الدعاء في هذا الدعاء جمع لجميع أنواع الدعاء، لأن الدعاء يشمل إما الثناء على المدعو أو الاعتراف بالذنب وذكر الحال أو الجمع بينهما. وهذا الحديث جمع بين هذا كله. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا ذكر حال الداعي، وذكر حال الداعي وسيلة من وسائل إجابة الدعاء. ذكر حال الداعي وسيلة من وسائل إجابة الدعاء، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كما قال موسى عليه السلام في هذه الآية. فسأل موسى ربه وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في هذه الآية. قال هنا لم يذكر إلا حالة فقط، أنه فقير لما أنزل الله إليه من خير. فبماذا يكون ظلم الإنسان نفسه؟ يكون إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. وقوله ظلما كثيرا وردت في بعض الروايات كبيرة، وقال بعض العلماء الأفضل أن يجمع بينهما فيقول ظلما كثيرا كبيرة، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، والصواب أن يقول بأرجحهما وأرجحهما كثيرا فيقتصر عليها. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا ثناء على الله، وذكر حال نفسه وذكر الثناء على ربه. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي بين العبد وبين ربه، فإنه لا يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc ensuite, Cheikh Ibn Athaymin, dans son commentaire, vous allez voir, c'est très pertinent, parce que Cheikh, premièrement, nous dit, donc, Abu Bakr, lorsqu'il enseigne, ou plutôt, il interroge le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui demande de lui enseigner une invocation qu'il pourra dire dans sa prière, il n'a pas clarifié à quel moment de la prière. C'est ça que Cheikh Ibn Athaymin veut expliquer ici, c'est que Abu Bakr n'a pas clarifié à quel moment dans la prière. Donc, ça pourrait supposer pendant la prosternation, par exemple, ça pourrait supposer que l'invocation, on peut la dire pendant la prosternation, c'est-à-dire lorsqu'on est prosterné dans la prière. Pourquoi ? Conformément à un hadith du prophète, un hadith célèbre de Abdallah ibn Abbas qui est rapporté par l'imam muslim, où le prophète dit « Wa amma sujoudu fajtahidu fi dua » Dans un hadith, le prophète dit « Dans la prosternation, faites des efforts dans l'invocation. » Faites des efforts dans l'invocation. En plus, il nous est même dit dans un récit que c'est dans la prosternation qu'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça pourrait supposer, on a l'hypothèse que cette invocation, son moment bien précis, ça serait pendant la prosternation. Mais il y a une autre hypothèse. On pourrait dire aussi que ça pourrait être aussi, selon une autre hypothèse, après le dernier tashahhud. Vous avez vu, à la dernière rakaat, avant de clôturer sa prière, avant de faire le salam, avant de faire les salutations dans la prière, juste avant les salutations, après qu'on ait fait le tashahhud al-akhir, le dernier des tashahhud, et qu'on ait fait les salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ait imploré la bénédiction pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc à la fin, avant les salutations, juste avant, invoquer Allah Jalla wa Ala par ce dua. Donc ça suppose cela aussi, que ça serait juste avant le salam, lorsqu'on va saluer. C'est-à-dire que ça serait lorsqu'on veut saluer. لِأَنَّ التَّشَهُدَ الْأَخِيرُ فِيهِ ثَنَاءَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Pourquoi ? Parce que Shir va dire ce qui est vraiment propice, c'est que lorsqu'on fait tashahhud al-akhir, dans le dernier tashahhud, et c'est pertinent puisque on a déjà appris le sens du tashahhud dans les leçons précédentes. Donc là, on va mieux comprendre ce que va dire le cheikh ici. Il dit pourquoi ? Parce que dans le tashahhud, on a les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça a été légiféré. فَإِنَّنَا مَأْمُورٌ فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ بِالتَّحِيَّةِ لِلَّهِ وَالشَّهَدَاتِ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu, lors du tashahhud, on fait les éloges d'Allah, on vante les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ensuite, dans la dernière rak'at, ensuite, on va rajouter les salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et on va implorer la bénédiction d'Allah sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, chez, regardez ce qu'il nous dit. C'est très pertinent. Il nous dit, حين إذن يكون مقدمة الدعاء مأمورا بها. Et de ce fait, ça fait une bonne introduction. C'est la meilleure des manières pour introduire notre invocation. Et vous avez vu, ça corrobore avec les leçons précédentes lorsqu'on avait parlé du comportement dans l'invocation. Lorsqu'on avait déjà appris que lorsqu'on invoque, le bon comportement, c'est de faire d'abord, de commencer les éloges d'Allah, par les éloges à Allah, ensuite de saluer le prophète, sallam. Et ça, c'est un bon préambule pour ensuite demander à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc d'introduire de cette manière. Et là, selon les circonstances, dans la dernière des raka'a, des unités de la prière, la dernière raka'a, plutôt, eh ben, on voit que on a fait les éloges d'Allah avec le tashahhud. At-tashahhud, on a fait les éloges d'Allah. Ensuite, avec les salutations, on a salué le prophète sallam et demandé la bénédiction sur lui. Donc, il est propice à ce moment-là d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu awla ma yudhkaru hadha ad-du'a 'inda as-salam ba'd at-tashahhud al-akhir. C'est pour cela qu'il dit, Cheikh Al-Athaymin, il dit à ce moment-là, lui, il dit ça serait plus propice de dire cette invocation à ce moment-là, à la fin de la prière, lorsqu'on va faire les salutations, lorsqu'on va saluer, alors, lorsqu'on va dire assalamu alaikum, avant de saluer à ce moment-là, on fait cette invocation. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, fala yaghfir adh-dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan innaka antal ghafur ar-rahim. Wa fi hadha ad-du'a jam'a li jami'a anwa' ad-du'a. Et ce qui est très pertinent maintenant, donc là, Cheikh Ibn Athaymin, vous avez vu, il nous parle en ce qui concerne le moment où on peut dire cette invocation. El-Mu'im, d'une manière générale, on peut la dire, comme il est dit, dans la prière. On peut la dire dans la prière. Comme on peut l'utiliser aussi à d'autres moments. Mais c'est vraiment confirmé ici dans ce récit, dans la prière. Mais aussi, en ce qui concerne maintenant le sens de cette invocation, Cheikh, il nous explique ici, l'auteur du commentaire, que cette invocation, elle réunit l'ensemble et les différentes formes d'invocation. Regardez, c'est très pertinent ce qu'il va dire. C'est très important ce qu'il va dire. Il va dire, dans cette invocation, on voit qu'il y a les jamia noa ad-dua. Ça rassemble l'ensemble et les différentes catégories et sortes d'invocation. C'est-à-dire, yashmal imma thana al-mad'u, aussi bien, cette invocation, elle renferme les éloges de celui qu'on invoque, en l'occurrence Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bien dans cette invocation, il y a ce qu'on appelle l'i'tiraf bidhanb, on reconnaît notre faute, donc il y a une reconnaissance de la faute, on admet en quelque sorte notre faute, wa dhikr al-hal, et en même temps on évoque un peu l'état et la situation. Aw al-jam'a baynahuma, il y a même l'ensemble de tout cela. Wa hadha al-hadith jama'a bayna hadha kulli. Et on voit bien que dans ce récit, cette information, cette invocation qu'a enseigné le prophète, elle renferme tout ça. Elle renferme aussi bien l'éloge de celui qu'on invoque, de l'invoquer. Elle renferme aussi bien le fait qu'on admet, qu'on reconnaît nos fautes et nos déficiences, nos péchés. Et elle renferme aussi bien l'évocation de la situation. Et là, vraiment, c'est pour ça que cette invocation, lorsqu'on la médite, le sens, c'est vraiment riche de sens. Où est la partie, par exemple, dans cette invocation, la partie où que là, on sent la situation. Il y a l'évocation lorsqu'on dit de l'état et de la situation de celui qui invoque. C'est la première partie lorsque on dit Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Ô Seigneur, j'ai certes été injuste envers moi-même. J'ai pratiqué ces injustices envers moi-même. Ces nombreuses injustices envers moi-même. Puisqu'il est dit, kathira, beaucoup d'injustices. J'ai commis beaucoup d'injustices envers moi-même au Seigneur, dans un sens relatif. Donc là, vous avez vu, on évoque un peu la situation. Donc celui qui invoque, il évoque sa situation. Qu'il était injuste envers lui-même. Pourquoi Cheikh Ibn Athaymin insiste sur cela, le fait qu'il y a l'évocation de la situation et de l'état de celui qui invoque. Pourquoi ? Parce qu'il dit, cela c'est un moyen, c'est une cause pour l'exaucement de l'invocation. Regardez ce qu'il dit. Le fait d'évoquer l'état et la situation, alors il dit c'est un moyen menant vers l'exaucement de cette invocation. Comme dans un verset, Moussa s'est adressé à Allah en lui disant « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » Regardez ce que Moussa va dire dans ce verset lorsqu'il s'adresse à Allah, il va dire « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » Et dans ce verset, en quelque sorte, Moussa fait part de sa situation et de son état à son Seigneur, en lui faisant part qu'il a vraiment besoin des grâces, qu'il est vraiment indigent, qu'il est vraiment dans une situation d'appauvrissement et qu'il a vraiment besoin des grâces de son Seigneur, de ce qu'Allah, Jalla wa Ala, a fait descendre. Donc là, Moussa, dans ce verset, ça c'est très pertinent que Cheikh Ibn Uthaymeen, l'auteur du commentaire ici, mentionne ce verset. Pourquoi ? Parce que là, on a vraiment un exemple. Moussa, alayhi salam, fait vraiment part de son état à son Seigneur, de sa situation à son Seigneur, et vraiment qu'il a besoin des grâces d'Allah, qu'il est vraiment dans une situation d'appauvrissement et qu'il a besoin des grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté, hein, c'est un verset du Coran, donc avant, si vous regardez les versets d'avant, Moussa a dit cela, c'est lorsque Moussa s'est dirigé vers le célèbre épisode de la vie de Moussa, alayhi salam, lorsqu'il s'est dirigé vers Médiane, vers cette ville, cette contrée, hein, de Médiane, et alors il se dit, peut-être mon Seigneur me mettra sur la bonne voie. Alors lorsqu'il est arrivé dans un point d'eau de Médiane, de cette région, alors il trouva, à ce moment-là, dans cet endroit-ci, un attroupement de gens qui étaient, ils étaient occupés en quelque sorte, hein, ils étaient occupés d'abreuver leurs troupeaux. Alors, pendant ce temps, il y avait deux femmes qui se tenaient à proximité, qui elles aussi devaient abreuver leurs troupeaux du fait que leur père était âgé. Donc leur père était âgé et donc leur père ne pouvait pas aller faire abreuver le troupeau. Alors, elles étaient chargées de faire abreuver leur troupeau, mais du fait qu'il y avait une sorte d'attroupement autour de ce point d'eau, alors elles sont restées à l'écart et elles ne pouvaient pas. Alors, lorsque Moussa est arrivé, il a vu qu'elles se tenaient à l'écart, il leur a demandé quel est votre problème. Alors, ensuite, elles ont fait part à Moussa de leur problème. Elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas abreuver leur troupeau, si ce n'est lorsque les bergers seront repartis. Alors de là, Moussa alayhi salam les a aidés et a fait abreuver leur troupeau. Et ensuite, Moussa, il est rapporté dans le verset, que Moïse alayhi salam, alors après qu'il ait fait boire le troupeau de ces deux jeunes filles, alors il s'est retiré à l'ombre. Il s'est retiré dans un coin, à l'ombre, si vous voulez, et ensuite, il a dit cela, il a dit « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » Et ensuite, il a dit cette parole. Et de ce fait, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimallah, fait une très belle annotation. Il va dire, remarquez bien, à ce moment-là bien précis, Moussa donc va faire part de sa situation et de son état, de sa situation. Donc, il va faire part en quelque sorte de son appauvrissement par rapport aux grâces qu'Allah Jalla wa Ala a fait descendre. Et donc, vous avez vu, Moussa, lui, il fait part de sa situation à lui seulement. De sa situation et de son état à lui seulement. Donc ça, c'est en ce qui concerne, et c'est là, le verset. Wabima, ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, Wabima da yakun dhulm al-insan nafsahu. Donc comme on l'avait stipulé tout à l'heure, comment la personne pourrait être injuste envers lui-même? Là, Cheikh Ibn Uthaymeen va mieux l'expliquer. Il va bien détailler cela. Comment la personne pourrait être injuste envers soi-même? Alors il dit tout simplement, en délaissant les obligations et en faisant les interdits, en commettant les interdits. Tout simplement. Quand est-ce que la personne sera injuste envers elle-même? En délaissant les obligations et en commettant les interdits. Ce qu'Allah, Jalla wa Ala, lui a défendu. Et on voit bien donc dans ce hadith, il est dit, ذُلْمَنْ كَثِيرًا. La personne a commis beaucoup d'injustices. C'est-à-dire, il a commis beaucoup de péchés. Donc on dit, ô Seigneur, j'ai été vraiment injuste envers moi-même. J'ai commis beaucoup d'injustices. Donc le terme qui est mentionné, c'est kathira dans le hadith, dans cet énoncé-là. Et on a un autre énoncé, on a une riwaya où il est dit kabira, kabira, grand, une grande injustice. Donc on a un énoncé, une version, où il est mentionné beaucoup. Comme c'est dans le hadith qu'on est en train d'étudier, qui a rapporté l'imam al-Bukhari. Et on a un autre riwaya où il est dit grande injustice. Il y a le terme grand. Alors, Sheikh Al-Uthaymeen nous dit, c'est pour cela que beaucoup de savants, ils ont vu qu'il était bon de réunir entre les deux termes. Qu'on pouvait réunir entre les deux termes. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira ou zulman kathira kabira. On pourrait dire de cette manière. Et réunir les deux termes. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira ou plutôt zulman kathira kabira. Ô Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même de nombreuses injustices et d'une grande injustice. On peut réunir les deux. Mais Shir nous dit que cet avis-là, c'est un avis qui est faible. C'est un avis qui est faible. Pourquoi? Parce que le plus juste et le plus plausible, ça serait d'invoquer Allah par la version là, la plus, on va dire, plausible. Par la version la plus forte, la plus plausible. Or, celle qui est plus forte et qui est plus plausible, qui est plus confirmée, celle qui est plus confirmée, c'est celle où qu'il y a kathira, celle que rapporte l'imam al-Bukhari, lorsqu'il est dit beaucoup. Et de ce fait, il dit, on se restreint à cela, en disant, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Donc il dit, on doit se limiter à cette version-là, du fait que c'est celle-ci qui est la plus plausible et la plus confirmée. Ensuite, le prophète, ensemble, dans cette invocation, apprend à dire, وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. وَالْمُرَادُ بِالذُّنُوبِ هُنَا quel est le sens de الذُّنُوبِ هُنَا الذُّنُوبَ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الرَّبِّ donc les péchés qui sont stipulés ici, lorsque dit, et c'est toi qui pardonnes, et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi, de manière plus précise, les péchés qui sont sous-entendus, ce qui est voulu ici par les péchés du serviteur par rapport à son Seigneur. Allati baina al-abd wa baina rabbi. C'est ces fautes-là qui sont entre le serviteur et son Seigneur. C'est ça qui est voulu ici. Fa'innahu la yaghfiruha illa Allah. Personne ne les pardonne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Sheikh insiste sur cela? Pourquoi il précise cela? Parce que vous pouvez, par exemple, faire une faute envers une tierce personne. Vous avez été injuste envers une tierce personne, envers votre voisin, envers un ami, envers un proche de la famille, par exemple, ou envers une amie, ou envers un ami, par exemple, et ensuite vous lui demandez pardon. Vous lui demandez pardon. Donc cette personne peut vous pardonner. Cette personne, elle peut vous pardonner. Donc elle a la capacité. Donc si, par exemple, vous-même, vous êtes victime d'une injustice, vous êtes victime d'un préjudice ou une personne vous a causé du tort. La personne vient et s'excuse. Vous avez le choix de pardonner ou non. Mais Allah nous dit mais que vous pardonniez est meilleur et plus proche de la piété. Donc Allah nous exhorte en toutes circonstances de pardonner et de faire preuve de clémence. Là, lorsque vous allez pardonner parce que vous avez subi le tort et c'est vous qui avez subi l'injustice et le préjudice. Donc vous pouvez pardonner. Tandis que les péchés qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur, personne ne peut les pardonner. Personne ne s'immisce dans ça. Ça, c'est entre le serviteur et son Seigneur. C'est pour cela que, regardez, hein, c'est subtil, c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen insiste sur cela. Il dit, « Wa la yaghfiru illallah ». C'est pour ça qu'on dit, « Wa la yaghfiru dhunub illa ans » et c'est toi qui pardonnes les fautes. ولا يغفر الذنوب إلا أنت والذنوب هي المعاصي والآثام التي تكون على الإنسان. Donc ces péchés-là, c'est vraiment les actes de désobéissance, les fautes qu'a commis la personne. Donc il demande le pardon. C'est ça dans l'invocation. Donc il implore l'absolution de ses fautes. لكن سبق وثناء واعتراف. Mais ce qui est pertinent, c'est qu'avant qu'il demande le pardon, il a fait précéder cette demande de pardon, d'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait qu'il reconnaît. Il admet ses fautes qu'il a commises. Et donc ensuite il dit, ô Seigneur, pardonne-moi d'un pardon. D'un pardon, parce que tu es celui qui pardonne les fautes, et il dit, pardonne-moi d'un pardon qui est auprès de toi. Traduction relative. عندك مغفرة. أضافها إلى الله من عندك لأن العطاء يكون على حساب المعطي. Et pourquoi là, ont une sorte d'annexion, hein, d'un pardon émanant de toi, en quelque sorte, on pourrait dire, d'un pardon t'appartenant, parce que ce pardon, il émane d'Allah, il appartient à Allah. Pourquoi? Parce que c'est celui, justement, qui possède cela. Le fait de pouvoir pardonner. Et regardez ce qu'il dit. La Torah dit Rodanban. Il dit, et de ce fait, si ce pardon est auprès d'Allah, et c'est Allah qui le détient, alors ça veut dire que ce pardon, il est immense. C'est quelque chose d'inestimable. Et si Allah pardonne, alors ça ne laisse rien. Si Allah pardonne toutes les fautes, ça ne laisse rien. Vous avez vu, cette invocation, elle est vraiment très importante. Ensuite, à la fin, on conclut en disant, Innaka antal ghafur ar-rahim. Tu es certes le grand pardonneur, le clément. Vous avez vu, on conclut l'une des meilleures manières, d'une manière remarquable, en faisant l'éloge d'Allah, en lui disant, tu es le tout, le grand pardonneur, le clément, en faisant allusion à ses noms. Parce que là, il y a allusion à deux noms parmi les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà en ce qui concerne ce doa, inshallah, et si Allah nous le permet, on continuera, inshallah, dans la prochaine allocution. Et dans la prochaine allocution, on verra dans les prochains hadiths, l'imam al-Bukhari va mentionner ce qu'on appelle la prière de consultation. Il va faire allusion à un récit, un hadith concernant la prière de la consultation. Donc on parlera, inshallah, de la prière de la consultation. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.